Book 2 68 68 68 كبير صغير grand petit كبير وصغير grand et petit. Grand et petit. Al-filu kabir. L'éléphant est grand. L'éléphant est grand. Al-fa'ru saghir. La souris est petite. La souris est petite. Mudhlim wa mudhi'. Sombre et clair. Sombre et clair. الليل مظلم. La nuit est sombre. La nuit est sombre. النهار مشرق. Le jour est clair. Le jour est clair. كبير السن وشاب. Vieux et jeune. Vieux et jeune. جدنا كبير السن جدا. Notre grand-père est très vieux. Notre grand-père est très vieux. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Il y a 70 ans, il était encore jeune. Il y a 70 ans, il était encore jeune. جميل وقبيح. Beau et laid. Beau et laid. الفراشة جميلة. Le papillon est beau. Le papillon est beau. العنكبوت قبيحة. L'araignée est laide. L'araignée est laide. سمين ونحيف. Gros et maigre. Gros et maigre. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Une femme de 100 kilos est grosse. Une femme de 100 kilos est grosse. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Un homme de 50 kilos est maigre. Un homme de 50 kilos est maigre. غالي الثمن ورخيص. Cher et bon marché. Cher et bon marché. السيارة غالية الثمن. L'automobile est cher. L'automobile est cher. الجريدة رخيصة. Le journal est bon marché. Le journal est bon marché.